La philosophie est maintenant. Aujourd'hui, la planète ou comment dépasser l'alternative entre exploitation intensive de l'environnement et fantasme d'une nature intacte. Sur le bitume, il règne désormais en maître. Des animaux sauvages pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre. À Paris, il n'est plus rare d'apercevoir des canards fouler les pavés ou le périphérique. Ici, cette famille nombreuse a même été escortée par les policiers. Partout dans les villes, la faune refait surface. Des sangliers dans les rues de Barcelone. Un puma égaré dans ce lotissement au Chili. Ou encore, ce mammifère tacheté du nom de civette, repéré en train de traverser sagement ce passage piéton en Inde. Les spécialistes redoutent tout de même une baisse de la vigilance de ces animaux qui pourraient être perturbés une fois le confinement levé. Bonjour Charles Stepanov. Bonjour. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. C'est paru aux éditions La Découverte et vous avez reçu pour cela le prix de l'essai France Culture Arte en 2021. Bravo. Alors c'était en octobre dernier, mais bravo quand même. Et puis Merci. Vous êtes aussi l'auteur de Voyager dans l'invisible, paru aux éditions La Découverte. Alors en 2019, j'imagine que 2019, c'est peut-être la réédition en poche ou c'est la première édition ? 2019, c'est la première édition et là, il sort en poche. Voilà, c'est ça. Alors toute cette semaine, nous nous demandons quels sont les grands enjeux auxquels doit faire face la philosophie. La philosophie est maintenant. Alors l'un des grands enjeux, c'est évidemment l'écologie. Mais alors de quoi parle-t-on justement ? Est-ce qu'écologie, Charles Stepanov, c'est le bon terme ou est-ce qu'il faut parler de nature, de monde, d'environnement, de planète, de protection, d'urgence climatique ? On l'a vu hein, pendant les débats à la présidentielle qu'il y avait quand même un petit problème de terminologie. D'un côté, on parlait de crise écologique et de l'autre, de l'urgence climatique. Oui, alors c'est vrai que les perceptions de la crise écologique, ou quels que soient les termes qu'on emploie, sont très variables d'un point de vue d'anthropologue. Sur nos terrains, on constate des perceptions qui peuvent être complètement opposées dans la façon dont c'est vécu au quotidien. Par exemple, chez les populations de Sibérie, chez lesquelles j'ai travaillé pendant de nombreuses années, le changement climatique, il est perçu de façon extrêmement violente, brutale, concrète au quotidien, puisque c'est dans les zones arctiques et subarctiques sur notre planète que l'impact est le plus fort. Donc vous allez avoir du permafrost qui dégèle, donc des troupeaux de rennes qui vont s'enfoncer dans des marécages, des incendies de plus en plus nombreux, des habitations en Sibérie mais aussi en Alaska, ce que a observé ma collègue Nastassia Martin, chez les Gwich'in, des affaissements de terrain, des maisons qui s'effondrent, qui tombent dans les rivières. Tout ça, c'est du concret. Et la perception occidentale est bien différente, puisqu'elle passe souvent par des paroles d'experts. Quand on est en ville, ici à Paris, on est préservé de ces impacts extrêmement brutaux et on a une perception par le récit des climatologues, par le récit des biologistes et donc on va parler souvent de la planète par exemple. Il faut sauver la planète. Est-ce que vous trouvez ça bien la planète ? Bah, bien ou pas, mon rôle n'est pas de juger. Comme anthropologue, ce qui est frappant, c'est de voir que on va avoir des conceptions de ce que c'est que le milieu vivant pour l'humain complètement différente. Qu'est-ce que ça signifie de parler de la planète ? Déjà, en soi, c'est pas du tout anodin. Il y a l'image du globe qui est derrière, qui n'existe pas évidemment chez toutes les populations humaines. Pour qu'on ait une image du globe, il faut qu'il y ait eu de l'astronomie qui soit développée, qu'on soit mis à fabriquer des globes pour représenter notre Terre. Et tout ça, ça implique quoi ? Sauver la planète, regarder la Terre comme un globe, ça implique que on est capable de la regarder de l'extérieur. Que nous, humains, on se situe d'un certain point de vue, un point de vue de Sirius extérieur, qui fait que on a souvent cette image sauver la planète avec des mains humaines qui prennent la planète comme façon un ballon. Atlas. Oui, voilà, un ballon entre les mains qu'on va préserver. Cette image de l'humain qui protège la planète et d'un autre côté qui l'exploite et la détruit, c'est tout à fait différent des perceptions des populations sibériennes pour qui la Terre, c'est un habitat avant tout. C'est pas quelque chose qu'on regarde de l'extérieur. Il n'y a pas de vie humaine pensable à l'extérieur de la Terre. Donc l'image même du globe, elle implique une forme d'extériorité qui permet la notion de protection. L'homme qui protège la nature n'existe pas chez la plupart des peuples autochtones. C'est la Terre qui nous protège, nous humains. On n'est pas en position d'extériorité qui nous permettrait de la protéger. Et puis, il y a aussi l'archive qu'on a entendue là, sur le moment du Covid, enfin le moment du confinement, parce que le Covid continue, les moments du confinement où effectivement la nature, d'une certaine manière, a repris ses droits. Alors, on a vu les arbres pousser peut-être autrement, on a entendu quand on était en ville les oiseaux chanter, ce qu'on n'entend pas forcément tout le temps. On a vu aussi le retour de certains animaux qu'on pourrait dire sauvages dans la ville, ou alors qu'on ne percevait pas jusque-là. Est-ce que, quand vous disiez, Charles Sepanoff, que effectivement, quand on est à Paris ou dans une grande ville, les changements climatiques, ça reste en fait des paroles, hormis peut-être au moment des canicules, mais ça reste des paroles et on ne voit pas trop de changements, alors que là, pour le coup, tout le monde a pu voir, a pu constater. Oui, parce qu'on a eu déjà de la disponibilité, on avait plus le temps d'être attentif à ça, on était moins dans la voiture. Et ce qui est frappant, c'est qu'à ce moment-là, on a vu à quel point les espèces animales et végétales étaient prêtes à reprendre pied, qu'en fait il suffit d'une petite pause dans nos activités humaines pour que elles soient disponibles. Elles ont une forme d'adaptation, de résilience qui est absolument frappante, qui s'exprimait à ce moment-là. C'est aussi un moment où, en cette année, le jour d'épuisement de la planète a, pour la première fois, reculé. C'est-à-dire qu'on était en 1979 au 30 décembre, on est aujourd'hui à peu près en juillet, l'épuisement des ressources de la planète. Pendant le Covid, grâce à cette interruption des activités humaines, il y a eu un délai, un répit un petit peu. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Il a fallu une catastrophe sanitaire mondiale pour qu'on arrive à modérer notre impact sur la planète. Donc si on voulait revenir au niveau de 1979, au 30 décembre, il faudrait quelque chose de beaucoup plus puissant comme effort que ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et ce qui semble assez en fait impossible, parce que le confinement était une situation exceptionnelle, complètement subite d'ailleurs. Est-ce que on est obligé d'en passer par des solutions extrémistes, ou plutôt c'est pas comme ça que je veux le formuler, c'est plutôt est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que ce genre de solution qui effectivement nous semble exceptionnelle? Alors c'est difficile à dire. En tout cas, ce que ça nous enseigne, c'est que c'est un effort extrêmement important qu'il faudrait faire, qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux, de radical, oui, je crois, dans un changement des modes de vie, dans un changement de notre rapport à la consommation, de notre rapport à l'alimentation. Il est évident que le mode de vie que nous avons, nous les Français, implique de consommer 3 fois les ressources de la planète par an. Ce sont les statistiques fournies par les spécialistes. Ce mode de vie n'est pas viable, évidemment. Si toute l'humanité vivait comme nous, Français, il faudrait 3 planètes Terre. Là, c'est absolument incontestable que nous allons dans le mur. Que là, il faut remettre en cause de façon extrêmement profonde ces modes de vie. Et c'est en ça que l'anthropologie peut apporter quelque chose d'intéressant pour la réflexion, nous montrer que ce qui pour nous est devenu naturel, ce qui est indispensable, une certaine forme d'abondance au quotidien dans la consommation des objets, eh bien, ça n'est pas indispensable à la vie humaine. Il y a des formes de sociétés heureuses qui produisent de la satisfaction, des relations épanouies, un mode de connaissance et de relation à l'environnement au quotidien extrêmement riche dans des sociétés autochtones qui sont viables et résilients. Pourquoi ? Parce qu'ils existent depuis des milliers d'années. Autant nos modes de vie fondés sur la consommation qui datent des 30 glorieuses, très récents, quelques décennies, sont à la fois très frais et déjà devenus non résilients, ils arrivent déjà en bout de course, donc on peut à juste titre les critiquer et s'interroger sur leur viabilité. Autant nous avons, par l'anthropologie, connaissance de modes de vie extrêmement variés qui ont donné les preuves de leur viabilité par leur résilience sur des milliers d'années. Alors on va justement écouter la voix d'un anthropologue que vous connaissez bien, Charles Sepanoff, c'est la voix de Philippe Descola. L'idée de nature, c'est à la fois l'idée d'une totalité, mais d'une totalité extérieure. Et donc, elle suppose un retrait des humains du monde. En classe de philo, par exemple, en France, c'est des choses qu'on va t'enseigner. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le monde des déterminations naturelles, et puis de la spontanéité, de l'instinct, etc., et de l'autre le monde de la culture, c'est-à-dire le contrôle que les humains exercent sur eux-mêmes, la capacité qu'ils ont d'investiguer les lois de la nature et d'agir sur cette masse indistincte pour y prélever des ressources nécessaires à leur existence. Chose qu'on apprend en classe de philo, mais ça n'a pas besoin d'être aussi thématisé. En somme, on n'a pas besoin d'être passé par l'enseignement secondaire pour percevoir cela, parce que partout, dans la façon dont nous parlons de notre environnement, et le terme même d'environnement d'ailleurs, au fond, est une façon différente de parler de la nature, parce que qu'est-ce que c'est qu'un environnement ? C'est ce qui environne un humain. Et ça, c'est des choses qui nous paraissent universelles. Et en réalité, ce que l'anthropologie montre, c'est qu'elles n'ont rien d'universel, qu'elles sont au contraire tout à fait singulières. C'était donc la voix de Philippe Descola. Dans un documentaire qui s'intitule « Composer les mondes d'Escola sur l'idée de nature » d'Elisa Lévy, qui date de 2021. Alors Philippe Descola, on soutient depuis longtemps cette thèse d'une critique du dualisme entre nature et culture. On a parlé du terme « planète », Charles Stepanov. Là, Philippe Descola nous parle de nature, d'environnement. Alors ça semble peut-être anecdotique de s'arrêter sur des termes, mais effectivement, ces termes-là sont engageant et ne reflète pas le rapport qu'on devrait ou qu'on pourrait avoir avec ce qui nous entoure. Vous voyez, j'arrive même pas à savoir comment définir en fait ce qu'on entend par l'idée de nature, de monde, de planète ou d'environnement. Oui, alors on peut parler de milieu vivant, j'aime bien cette expression d'André Leroy-Gourhan, qui nous met sur le même plan que d'autres espèces. C'est notre milieu vivant, ça nous nourrit, c'est un espace nourricier qui prend différentes formes selon les biomes, justement. Alors quand on va parler de nature, on envisage de façon externe un ensemble de phénomènes soumis à des lois physiques et biologiques constantes. Alors quand on parle de milieu vivant, on va s'intéresser à la singularité de ces différents milieux. La taïga, la forêt, la steppe, la toundra, pour les milieux sur lesquels j'ai travaillé en Sibérie, c'est dans ces termes-là que les populations autochtones parlent de leur milieu. À chaque fois, c'est singulier. Ce que ça implique, c'est des relations singulières. C'est ça qui est important que l'anthropologie, à partir de Descola et d'autres collègues, a mis en évidence. C'est que là où nous avons un dualisme qui sépare d'un côté la nature soumise à ses lois, inflexible, et d'un autre côté la société dans laquelle se développe la communication, le symbolisme, les conventions, eh bien d'autres sociétés vont étendre les relations sociales, la réciprocité, la communication au-delà de l'humain. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire que nous pouvons avoir un sentiment de dette, avoir des obligations de réciprocité par rapport aux espèces animales dont nous nous nourrissons, par exemple, au milieu qui nous abrite, qui est notre maison. En fait, la forêt sera perçue non pas comme une ressource dans laquelle on peut puiser indéfiniment, comme une nature, mais véritablement comme une maison habitée non pas seulement par les humains, mais par de nombreuses entités avec lesquelles les humains ont des relations sociales de partage, de cohabitation, qui sont les animaux, les plantes, qui ont des chamans également. Parmi les arbres, il y a des chamans. Parmi les rochers, il y a des chamans. Les rivières, qui ont des subjectivités, représentées par des esprits, et les montagnes. Donc tout un tissu relationnel qui ne sépare pas entre le monde de la nature et le monde de la société. Mais ces relations singulières, puisqu'elles sont singulières, est-ce qu'elles sont, si je puis dire, en fait, exportables ? Quand on a, par exemple, un rapport, des relations, en fait, à notre milieu vivant, je reprends votre terme, Charles Stepanov, qui sont fondées soit, comme je l'ai dit en introduction, dans une alternative très figée entre amour, célébration d'une nature intacte et fantasmée, et de l'autre, exploitation intensive, et je pense qu'on pourrait rajouter, en fait, un troisième terme qui est indifférence, est-ce que on peut s'inspirer, en fait, de relations singulières qui, justement, sont singulières et peut-être pas universalisables. Alors, tout à fait. Donc, dans nos modèles anthropologiques, on a opposé ces modes d'habiter la Terre modernes, occidentaux, où on sépare nature et culture, et puis le reste du monde. Et là, ces dernières années, J'ai mené des enquêtes de terrain en France et j'ai essayé de voir si les choses n'étaient pas plus compliquées que ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre façon d'habiter la Terre alternative, dans les marges, dans les interstices, en Occident même, et qui nous révèle une forme de richesse insoupçonnée? Alors, officiellement, donc, on va effectivement séparer, avoir la nature comme ressource, la société urbaine où on va avoir des relations sociales. Et puis, déjà, si on s'écarte, on va à 120 km de la ville, ou même plus proche, on voit que les habitants ruraux, avec chez lesquels j'ai mené des enquêtes, eh bien, tissent également des relations d'ordre symbolique et moral avec certaines espèces animales qu'ils perçoivent comme des cohabitants. Et pour eux, le milieu rural, il n'est pas justement composé uniquement d'humains et de machines. Il a son intérêt dans la diversité des rencontres qu'on fait au quotidien. Donc, pour des agriculteurs, ça va être de voir un chevreuil tous les jours et le voir grandir, être adopté à un moment par une autre maman ou par son père, par des histoires de famille en fait. Ces habitants me racontaient des histoires de famille vraiment qu'ils observaient chez les perdrix, chez les faisans, chez les chevreuils. Ils arrivent à identifier individuellement ces animaux, ce qui pour moi d'origine urbaine était complètement surprenant. À les identifier même de manière, vous voulez dire, singulière, c'est-à-dire distinguer de quel animal il s'agit, mais véritablement la mère, le père, c'est ça. Alors pour le cerf, on peut le concevoir, ils ont des ramures différentes d'un individu à l'autre, mais il fait partie du paysage et c'est un voisin qu'on connaît. Là, tiens, on dit, on l'entend ce soir, là, tiens, c'est un autre, là, je l'ai vu tout à l'heure, et toi, tu l'as vu, on échange des informations, et en fait, dans certains milieux ruraux de ce genre-là, l'échange, la sociabilité humaine se fait énormément sur l'échange d'informations, de nouvelles, sur l'observation de tel cerf, de tel renard, d'une couvée de perdreaux, donc même pour des oiseaux, ce qui m'a tout à fait surpris. Des gens savent où se trouve telle famille, avec combien de perdreaux, et d'un jour à l'autre vont dire, tiens, ben là, il en manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle en avait 8 hier, il n'y en a plus que 7. Peut-être que c'est... Il y en a un qui est tombé. C'est des prédateurs qui sont venus se servir, des rapaces, le busard Saint-Martin, par exemple. Et derrière tout ça, il y a aussi toute une cosmologie, en fait. Parce qu'il y a certains oiseaux qui sont sacrés. Et les gens me le disaient comme ça. L'hirondelle, par exemple. On va pas toucher un nid d'hirondelle, jamais. Et ça, tout le monde le répétait. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi l'hirondelle en particulier? Il y a quelque chose de religieux là-dedans, alors que dans la religion chrétienne de base, il n'y a pas des interdits sur les hirondelles. Pourquoi? Et en fait, en cherchant dans les mythologies anciennes recueillies au 19e siècle, dans nos campagnes, en Normandie, en Bretagne, en Lorraine, on apprend que l'hirondelle est un oiseau sacré parce que si vous cassez son nid, elle va apporter l'incendie dans la maison. D'où vient cette histoire-là? C'est qu'elle a apporté le feu, la connaissance du feu aux humains. Et ça, c'est un mythe qu'on trouve jusqu'en Sibérie, que moi je connaissais par la Sibérie, et donc qui est présente de façon sous-jacente maintenant, plutôt implicite, mais qui est présente, qui anime les perceptions morales de l'hirondelle. Les humains éprouvent de la reconnaissance envers l'hirondelle parce qu'elle leur a apporté le feu de cuisine qui est à l'origine de la civilisation humaine. Évidemment, on est passé du cru au cuit grâce à l'hirondelle. Et donc, nous avons des obligations envers elle. Nous devons partager notre maison avec elle. Donc, ça donne l'image même d'une forme de cohabitation avec un animal, un oiseau qui est sauvage, que nous ne maîtrisons pas, qui ne pourra jamais être domestiqué, puisque c'est un migrateur extraordinaire qui délaisse les maisons humaines pendant la moitié de l'année, qui marque la saisonnalité, puisque Aristote disait une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il s'oppose à la perception populaire, vulgaire, qui est que oui, l'hirondelle fait le printemps, et pour beaucoup de gens, effectivement. Et si on n'a plus de saison, c'est aussi parce que les hirondelles sont plus là, tout ça est corrélé, et les gens perçoivent de façon tragique, véritablement, aujourd'hui. Aujourd'hui, et cette année c'est encore pire que précédemment, l'absence des hirondelles, le fait que nous avons sur nos nids, sur les granges, sur les maisons, donc des nids qui sont vides, où il y avait la même famille que les gens identifiaient, avec qui ils avaient des relations d'amitié, qui étaient là chaque année, elle n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on n'est plus dans l'histoire du globe, on n'est plus dans « il faut sauver notre planète », on est dans ma maison, elle perd son sens parce qu'il n'y a plus l'hirondelle. Et les gens me disent, là sur le terrain, l'hirondelle, elle apporte du bonheur toute l'année dans la maison quand elle vient virevolter dans la cuisine. Donc, ce sont des relations d'ordre cosmique, émotionnel, intime, des liens entre la famille humaine et puis les familles sauvages, ici, représentées par l'hirondelle, qui s'effilochent en même temps que la perte de l'effondrement de la biodiversité, qui n'est pas juste un phénomène biologique, qui est un phénomène cosmologique. Donc, les relations singulières dont vous parliez, c'est pas forcément en fait qu'on a un ensemble de relations singulières à l'échelle de la planète et qu'il s'agirait de s'inspirer de certaines d'entre elles et de les exporter. C'est ce que vous dites, c'est que les relations singulières, elles sont déjà là. C'est juste qu'elles ont été recouvertes par de l'activité commerciale, par un certain système d'exploitation, mais que c'est déjà là. Par une rééducation volontaire, il faut pas se leurrer, ça s'est pas fait tout seul. C'est une conversion religieuse pour moi. Il y a eu vraiment une conversion religieuse. Vous parlez du capitalisme oui, entre autres, mais ça se fait beaucoup par l'école. On le voit bien au 19e siècle, il y a une lutte de l'école contre les savoirs populaires, l'ethnobotanique par exemple, les connaissances et les usages des plantes, qui ont des aspects magiques, qui, pour l'école de la Troisième République, représente quelque chose d'obscurantiste. Donc, vous avez des textes dans des manuels de la Troisième République. Ne cueillez plus les plantes à la Saint-Jean. Ne croyez pas qu'elles vont vous guérir. Ne croyez pas aux histoires de fées, de mauvais sorts, aux lieux habités. Donc, c'est tout un travail de rééducation, de conversion. On va remplacer les vieilles méthodes qui sont liées à une relation de réciprocité avec les êtres, qui font intervenir l'invisible et le religieux, qui vont être remplacées par des méthodes basées sur la chimie. Par exemple, pour les questions d'agriculture, d'élevage, il y avait des méthodes, on faisait intervenir des magiciens, des plantes, des savoirs sur les plantes médicinales, dont on redécouvre aujourd'hui l'intérêt. Eh bien, tout ça est disqualifié par l'école et remplacé, par exemple, je me suis intéressé à ça, les publicités pour les superphosphates ou les arséniates de plomb, qui sont des produits cancérigènes. Et on apprend aux enfants que c'est important, que c'est utile dès le plus jeune âge pour que quand ils vont grandir, quand ils seront agriculteurs, ils aient recours à ça par les buvards. Nos parents ont connu ça, des buvards qui portaient des publicités qui étaient distribuées gratuitement dans toutes les écoles de la République. Donc c'est par l'école que se fait cet enseignement et cette éducation à la dépendance envers l'exploitation chimique capitaliste. Donc cette conversion, la paysannerie française a résisté assez longtemps à la conversion à la chimie, aux engrais, aux superphosphates et également à l'usage des pesticides chimiques, donc comme les arséniates de plomb, donc des produits arseniqués cancérigènes, qui, dès 1910, l'Académie de médecine dit c'est dangereux pour la santé humaine. Eh bien, le gouvernement français, l'école, en font la publicité, et c'est interdit seulement dans les années 1970. Ça a eu des dégâts terribles. Encore maintenant? Aujourd'hui, c'est interdit depuis 1970. Non, mais encore maintenant, on voit les effets de cet usage. On les a vus à l'époque, dès les années 1930. Il y a c'est les chasseurs justement qui vont signaler les effets sur la faune, parce qu'on voit des perdreaux qui sont intoxiqués dans les champs de pommes de terre. Il s'agissait d'un produit pour lutter contre le doryphore de la pomme de terre qui débarque par un navire américain dans les années 1920. Et le gouvernement de Vichy rend obligatoire l'usage des arséniates de plomb. Donc vous voyez, c'est le capitalisme, mais c'est l'État également, parce que le capitalisme n'existe pas sans État. C'est l'école, c'est la publicité qu'on introduit dans les écoles à travers les buvards, c'est le fait de discréditer tous ces savoirs, ces mythologies dont on se rend compte maintenant que nous avions en fait à l'intérieur des sociétés occidentales une forme d'animisme populaire qui n'était pas juste de la superstition, quelque chose de ridicule et d'archaïque, qui en fait animait des relations au quotidien avec les animaux et les plantes. Qui faisait que c'est pas seulement les animaux, c'est aussi dans les haies, par exemple, hein, le bocage dont on regrette aujourd'hui la disparition. Il amenait de l'invisible et du sacré à l'intérieur de l'espace quotidien et du sauvage également. C'est tout un réseau en fait de forêts linéaires. Le bocage, ce sont des arbres et des arbustes sauvages. Qui souvent viennent d'eux-mêmes, hein, par eux-mêmes, que les oiseaux vont semer avec leurs crottes, ils sèment les graines, vous avez nombreuses espèces. Donc une biodiversité extraordinaire à l'intérieur des espaces cultivés. Le bocage, c'est cet enchevêtrement du sauvage et du domestique qui laissait de la place à l'invisible dans le visible, parce que vous aviez la fontaine sacrée où on venait se guérir, vous aviez les aubépines dont on pouvait prendre une branchette pour se préserver de l'orage. Des liens cosmologiques, moraux, avec les plantes et les animaux qui se nouaient et qui se concrétisaient, qui s'incarnaient dans le paysage, dans ce réseau des haies bocagères. Et donc, il y a une période après la Deuxième Guerre mondiale où on va renoncer à ces mythologies en disant c'est du passé, il faut entrer dans la modernité. Désormais, on n'a plus besoin de ces haies, on n'a plus besoin de ces apports parce que on remplace ça par la chimie, donc par les engrais, par les pesticides. Donc c'est une conversion qui n'est pas seulement technique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'innovations techniques qui vont permettre d'avoir des meilleurs rendements agricoles. Il s'agit véritablement d'une conversion cosmologique qui redessine, qui réécrit les rapports entre le sauvage et le domestique. Le sauvage, dans cette période des Trente Glorieuses, devient quelque chose de menaçant, d'inutile, de salles qu'il faut expulser des zones cultivées, de la culture. La culture, hein, dont on parlait au début, au sens philosophique, c'est aussi la culture au sens de forme d'occupation de la terre et des champs cultivés. Donc il y avait de la place pour le sauvage dans ce bocage et pour l'invisible, et il en est exclu progressivement avec la modernisation agricole dans les Trente Glorieuses. Dans le flot des événements survenus à la ferme des Combettes, il s'était senti ballotté comme un vulgaire bout de bois. Chaque déferlante de contrôles administratifs lui était apparue plus injuste, plus incompréhensible que la précédente. Il avait perdu patience. Et cette impatience avait initié un mouvement qu'aucune intimidation ne pourrait désormais suspendre. Il était habité de la séculaire volonté de ne plus subir qu'il avait découverte sous la plume de Barrès. Cette impérieuse bouffée de protestation qui conduit les hommes humiliés à la révolte. Il voulait croire en la légitimité de ses refus et plus encore en celle de ses exigences. Il voulait atteindre une foi plus forte que le déni des sommations et des menaces, se forger une croyance tenace en la vertu du courage allié à l'intelligence. Mais il devait d'abord parvenir à retrouver son calme, à contenir les emportements qui sapaient sa lucidité et gagner du terrain sur ses intentions premières. Il passa une bonne partie de la matinée à se replacer dans la peau de celui qu'il était et qu'il devait rester, un éleveur. Il compta ses bêtes, une à une, les nomma comme si elles étaient à ses côtés. Gélinotte, Reine, Java, Finette, Lady. Il récapitula les soins qu'il faudrait prodiguer à la vieille Blondie, dénombra les vélages de l'année, se souvint qu'il n'avait pas débouché la source du côté des grands vallons, ni changé la roue du Ferguson, ni réparé la clôture des prairies du Prélager. Il avait du pain sur la planche, et il se réjouissait de la charge de travail qui l'attendait. Bien sûr qu'il était encore un homme de la terre. Comment avait-il pu en douter ? France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du roman Pleine Terre de Corinne Royer qui est sorti l'année dernière aux éditions Actes Sud. Ce roman, qui est inspiré d'un vrai fait divers, raconte comment Jacques Bonhomme décide de s'enfuir de sa ferme, poussé, exténué contre par l'acharnement administratif. Et il se souvient ici dans ce texte de ses bêtes, qui permet de poser la question, Charles Stepanov, de sortir justement d'un autre, comment sortir de cet autre dualisme qui n'est pas celui de la nature ou de la culture, mais qui est celui qu'on a souvent tendance à opposer, à figer, à reconduire, qui est celui de comment peut-on à la fois aimer ces bêtes et en même temps les tuer, et c'est comme s'il fallait faire un choix entre l'amour du vivant ou la mort du vivant. Oui, c'est très intéressant comme question, et ça prolonge cette problématique de la conversion cosmologique et de la rééducation dans le cadre de cette modernisation agricole. Quand on s'intéresse aux travaux des zootechniciens depuis le 19e siècle, on voit des modèles qui vont réduire les animaux à des produits. Donc, en faire des ressources. Alors, il y a cette notion qui est très frappante de minerai. Les animaux sont du minerai dans le discours zootechnicien. Et aujourd'hui, cette conception est devenue dominante, mais ça s'est pas fait facilement. Effectivement, ça s'est opposé à un autre mode de relation aux animaux qui était présent dans la paysannerie française, qu'il a fallu éduquer. À quoi ça s'est opposé? Donc aujourd'hui, nous avons d'un côté, dans notre rapport à l'animal, dans la société française et dans les sociétés occidentales de façon générale, nous avons deux gros modèles que vous évoquiez. D'un côté, l'animal qui est une ressource à exploiter, avec des méthodes qui vont favoriser un rendement le plus efficace possible. C'est l'animal matière. Ce sont les images terribles que nous voyons. Dans les abattoirs, par exemple. Oui, voilà, et même dans toute leur vie. On parle des abattoirs, mais les cochons, par exemple, ou les vaches, beaucoup qui voient jamais la lumière du jour de toute leur vie, qui vivent dans des conditions terribles. Nous voyons ces images des poussins qui sont broyés. De ce point de vue-là, jamais aucune société humaine n'a traité les animaux d'une manière aussi brutale que nous. Ce qui est très curieux, c'est que, d'un autre côté, jamais aucune société humaine n'a traité d'autres animaux d'une façon aussi douce et attentive que nous. Mais il s'agit d'autres espèces. Il s'agit des animaux de compagnie, cette fois, que sont nos chiens et nos chats, à qui nous accordons le maximum de tendresse, nous fêtons leurs anniversaires. Il y a des sociétés spécialisées dans les anniversaires de chiens aux États-Unis. Donc, ils sont entièrement nourris, soignés. Par nous, ils sont castrés également, donc ils n'ont plus accès à une reproduction, ils n'ont plus accès à leurs hormones, ils restent en fait des enfants. Donc c'est d'un côté l'animal matière opposé à l'inverse l'animal enfant. Cette construction dualiste extrêmement étrange d'un point de vue anthropologique, qui est une singularité de notre rapport à l'animal, il faut prendre du recul. Parce que on voit qu'elle aboutit à une impasse des deux côtés et que notre société s'interroge sur sa validité. C'est parce que nous avons créé des animaux enfants que nous avons d'un autre côté créé des animaux matière, et l'un dépend de l'autre. Si nous pouvons avoir des animaux enfants, des carnivores nourris dans nos appartements, c'est parce que nous les nourrissons de croquettes à partir du sang et de la chair de nos animaux matière. Donc il ne s'agit pas simplement de deux systèmes qui vont dans deux directions opposées, ils sont complètement dépendants. Donc ce dualisme est une singularité à fois cohérente et schizophrène inventée par nos sociétés. Il faut prendre du recul par l'anthropologie en se rendant compte que c'est quelque chose d'unique et d'étrange, qu'il y a d'autres façons de se rapporter aux animaux, et par l'histoire en se rendant compte qu'il s'agit chez nous-mêmes de quelque chose de tout à fait récent et qui ne s'est pas imposé de façon encore universelle. Il y a des poches de résistance qui sont tout à fait intéressantes du coup, dans lesquelles nous allons avoir des rapports d'amitié avec des animaux de rente, c'est-à-dire avec les animaux matières, quelque chose de plus ambigu entre l'animal de compagnie et l'animal de production. Nous le voyons sur des cartes postales anciennes qui sont tout à fait frappantes, où il y a le Breton début 20e siècle qui se promène avec son cochon en laisse pour aller à la foire. Il y a des récits au 19e siècle de gens qui vivaient avec le cochon dans la chambre à coucher. Ce qui nous paraît maintenant complètement exotique et fou. Et absurde, ouais. Parce que nous avons intégré cette division entre les animaux matière et les animaux enfants. Et là, il y a une forme de transgression qui nous paraît tout à fait bizarre. Mais en réalité, c'était extrêmement courant et ordinaire. Et moi, je l'ai connu sur le terrain. Bon, évidemment, en Asie du Nord, on a des relations religieuses avec les animaux qu'on va manger. Le cheval qu'on a monté toute la vie chez les peuples cavaliers de Mongolie, de Sibérie du Sud. Le cheval, c'est le compagnon maximum. C'est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Aucun humain sera un meilleur ami. Dans les épopées, le cheval est plus intelligent que son maître. C'est lui qui trouve les solutions face à l'ennemi, face au dragon, au monstre, etc. Les enfants savent monter à cheval avant de savoir marcher dans ces sociétés. Eh bien, quand le cheval est vieux, son cavalier va le tuer et le manger. Et c'est absolument indispensable. Mais pour eux, il n'y a pas de contradiction entre les animaux qu'on mange et les animaux qu'on aime. C'est parce qu'on aime le cheval, qu'on l'a aimé toute la vie, qu'on va lui rendre le dernier hommage en le mangeant et ensuite en déposant son crâne sur un lieu sacré. Et pour eux, ce qui est épouvantable, c'est notre façon à nous de traiter nos chevaux après les avoir montés toute la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des travaux anthropologiques sur les chevaux chez nous. C'est un sujet extrêmement tabou. Que font les cavaliers de leurs vieux chevaux? Ils les envoient à l'écarisseur. Que fait l'écarisseur de cette viande? Ça sert de carburant, des fois, pour la graisse, et ça sert de croquette pour les chiens. C'est l'infamie même du point de vue des peuples cavaliers. Mais alors, ce que vous dites, Charles Sebanoff, c'est que des deux côtés, en fait, on a un rapport qui est complètement construit à notre milieu vivant, à nos animaux, qui a pu être construit de manière récente, ou au contraire, qui est peut-être plus entériné par les siècles passés, par les histoires, les mythes. Est-ce qu'il faut à tout prix distinguer en fait des bonnes constructions, de mauvaises constructions de ces rapports-là, et comment et à partir de quels critères en fait, lequel serait le mieux? Est-ce que si ça le fait que ça semble insupportable de manger le cheval qu'on a monté est tout aussi légitime que de penser qu'on peut le manger parce que c'est un hommage? Oui, déjà, le rôle de l'anthropologue va pas être de juger. Des étiquettes, ouais. De juger, même si on peut avoir des affinités, évidemment, avec des populations qui nous ont accueillis et dont on a pu constater la résilience. Notre rôle, d'abord, tout simplement, c'est d'élargir le champ des possibles, hein, de permettre au lecteur de s'affranchir d'un certain carcan mental, de certaines formes de dualisme. Alors, il y avait nature-culture qu'on évoquait, le prolongement éthique, c'est exploitation-protection, animal-enfant, animal-matière, toutes ces formes de dualisme, toutes ces formes de contradictions qui créent de la souffrance finalement, à la fois pour les humains et pour les animaux. Oui, l'anthropologie peut contribuer à poser des questions. Cette forme de souffrance, on pourrait l'éviter en articulant conceptuellement les choses autrement. Au niveau conceptuel, on peut se libérer de ces dualismes et expérimenter le fait d'avoir une relation d'amitié avec un cochon, le fait de manger son chien, et plein de peuples qui font ça, c'est pas impossible. Le fait de, oui, pourquoi pas, manger son cheval dans une forme de communion, d'hommage final. Alors il y a beaucoup d'expérimentations de ce genre-là, hein. On a deux grandes tendances dans notre monde agricole. D'un côté, on va aller de plus en plus vers la mécanisation, l'industrialisation, le 2.0 maintenant, les drones, la production hors sol, des vaches, des poulets, voilà, ou des salades exposées à du soleil et du vent artificiel dans des tonneaux en acier. Ça existe, ça se développe et ça va se développer. Et on voit une tendance totalement inverse qui va s'inspirer de formes de culture, d'élevage qui ont existé il n'y a pas si longtemps. Il n'y a qu'à demander aux papis comment vous faisiez autrefois. Et bah, tout d'un coup, on découvre un univers extrêmement intéressant. Beaucoup d'initiatives. Alors dans des réseaux de fermes de paysannes qui veulent revendiquer cette notion d'autonomie paysanne, de recréer un lien, de le retrouver, un lien complexe et riche avec les animaux, des formes d'alliance, de respect qui n'évacuent pas la mort et la violence, mais qui, au lieu de la déléguer à l'industrie, vont l'assumer. L'abattage à la ferme, par exemple, qui est assumé par beaucoup d'éleveurs, d'éleveuses, des féministes notamment, qui considèrent qu'on a trop délégué à l'industrie capitaliste et machiste, ce type de violence, et qu'elle peut être vécue de façon plus respectueuse et autonome quand elle est assumée à la ferme. Oui, en fait, l'idée n'est pas d'éradiquer la violence, mais qu'en fait, ça devienne une réalité dont on a conscience et qu'on regarde, c'est ça? Que la mort ne soit plus cachée dans des abattoirs et qu'on mange notre viande sans se rendre compte du processus qu'il y a derrière, c'est ça? Oui, c'est ce que nous montrent les historiens. Plus on a éradiqué la violence, plus en fait on l'a mise sous le tapis, plus elle s'est démultipliée et industrialisée. C'est assez curieux et c'est très frappant de s'en rendre compte, de le réaliser, mais il faut vraiment en faire l'effort. C'est parce que la violence et la vue du sang nous sont devenus insupportables, surtout à partir du XVIIIe siècle, que cette violence s'est démultipliée. Pourquoi ? Ça paraît tout à fait paradoxal. C'est parce qu'on ne voulait plus voir de sang à Paris, marcher dans les boyaux, avoir ces odeurs dégoûtantes, voir des carcasses suspendues, qu'on a interdit au début du XIXe siècle les tueries de rue. Donc on les a reléguées à l'extérieur des villes. On a jeté un voile pudique, c'est les termes employés par les théoriciens, les philosophes de ce camouflage de la violence au début du XIXe siècle, dans le but de pacifier les mœurs, de ne plus avoir une révolution française, hein, c'était vraiment l'objectif au début du XIXe siècle, pacifier les gens, donc ne plus exposer les masses populaires à la vue du sang, de la violence, dans une crainte de contagion. Donc on a caché ça, c'est devenu invisible, intolérable, et ce camouflage a permis l'industrialisation. Donc on a créé des hangars. Aujourd'hui, on mange 4 fois plus de viande maintenant qu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle en France. Or, il devient quasi impossible de voir un abattage d'animal, de voir une carcasse, tout ça est caché, de plus en plus camouflé. Il y a un paradoxe gigantesque dans cette démultiplication de la violence, cette carnivorie qui est devenue démesurée, et le fait qu'aujourd'hui, la plupart des Occidentaux peuvent se bourrer de viande toute la vie sans jamais avoir vu un animal mourir. À nouveau, d'un point de vue anthropologique, c'est incompréhensible. Incompréhensible, vraiment. Et un autre exemple aussi qui est un sujet, je pense, on ne peut plus clivant en France et qui a trait à la violence, c'est la chasse. Le sanglier est passé haut, Il faut être attentif, car dans la société matriarcale des sangliers, les mères sont le trésor de l'espèce. Elles doivent être épargnées. Là, c'est vraiment dommage. Il y a 2 mères par terre. Ah bon ? Il marchait quand même, la bête. Quand il sort un gros tout seul, tu peux faire l'erreur. Oui. Quand il sort un gros avec des petits derrière, interdit de tirer le gros. Interdit. C'est pas normal. Mais bon. Sombre jour de chasse. Personne n'est coupable, bien sûr. D'ailleurs, moi, si je ne sais pas tirer, j'ai tiré le gros. C'était un extrait du documentaire de Bernard Jeannin qui date de 2001, Chante Jaille, l'appel du sanglier, sombre jour de chasse pour les chasseurs où bon, bah, personne n'est coupable, mais bon, ils ont quand même tué une mère sanglier. Alors, c'est fou parce qu'à chaque fois en fait qu'on écoute un documentaire sur les chasseurs, on a le sketch des inconnus qui nous revient en tête, tout un certain nombre de clichés, et c'est vrai que la chasse en France est à la fois un sujet qui est vraiment sujet à dispute. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un sujet de raillerie, de dérision, d'ironie, et en même temps, on sait aussi que les chasseurs, on parle du lobby des chasseurs, est très important, ce qui fait qu'on a vraiment un clivage, encore une fois, on pourrait dire un dualisme, qui est extrêmement figé entre ceux qui sont pour la chasse et qui seraient des réacs de droite un peu beaufs, et de l'autre, des gens progressistes et qui seraient anti-chasse. Oui, alors déjà, j'aime bien prendre un peu de recul historique, ces caricatures, cette drôlerie des chasseurs, c'est pas nouveau, hein. Vous avez des caricatures de Daumier au XIXe siècle sur les chasseurs, et les chasseurs déjà se plaignaient d'être victimes de trop d'ironie et d'avoir une image dévalorisée dès le XIXe siècle. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant parce qu'on voit les complexités éthiques qui se jouent autour de la chasse, qui nous ramène d'un côté à de l'universel, d'un point de vue anthropologique, et aussi à des choses très singulières qui se passent en France et qui sont liées à une forme d'administration, d'étatisation du contrôle de la chasse. Universelle, pourquoi ? Parce que le fait de ne pas tuer une mère suitée, c'est-à-dire qu'il y a des petits derrière elle, il y a un interdit là-dessus dans énormément de sociétés, évidemment en Sibérie aussi, je l'ai connu, et donc il y a un malaise quand ça arrive par accident, qui en Sibérie va mener à des craintes sur une vengeance des esprits, une vengeance de l'âme de l'animal, une obligation d'adopter les petits. Alors, c'est des accidents qui arrivent. Et c'est ce qui fait aussi que dans beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs, les gens vont recueillir les petits. Ce qui fait que dans ces sociétés, les gens vivent avec des petits sangliers, des petits pécaris, des petits oursons. Ils font partie de la famille, là, véritablement. Voilà. C'est une relation singulière au sens de, on va développer des liens affectifs et moraux avec des animaux. Ouais, ouais, une relation complexe puisque c'est à la fois du gibier, hein, une source de nourriture, et aussi quelquefois on adopte des petits qui vont devenir des membres de la famille et qu'il faut dans ce cas-là surtout pas manger, qui ont une relation mais véritablement d'adoption la plus forte qu'on puisse imaginer puisque sur beaucoup de continents les mères vont allaiter ces petits, les petits oursons, les humaines hein, vont allaiter des petits oursons, des petits pécaris, des animaux chassés et remplacent quelquefois leurs enfants si leurs enfants humains sont morts. Ça, c'est quelque chose de constant, de très fort, d'émotionnel, de très riche, qui nous montre cette complexité du rapport des chasseurs-cueilleurs aux animaux qu'ils chassent. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? J'ai vu des scènes comme ça, hein, des scènes comme ce qu'on a entendu là, où il y a l'erreur de tir. Et j'ai vu des confrontations violentes entre des gens qui sont des locaux, qui participent aux battues, par exemple, des paysans, des forestiers, et qui vont couvrir d'opprobre le chasseur bourgeois parisien qui est venu ici pour tirer, qui a payé sa journée à 800 euros et qui n'est pas capable de distinguer une laie d'un mâle et qu'on va humilier publiquement. Donc c'est des enjeux éthiques forts et il y a des conflits internes. Et ce qui est fascinant de voir, c'est comment ces règles morales, l'administration peut s'en emparer, les imposer et quelquefois au contraire les rejeter. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'il n'y a plus de consignes de tir. Donner des consignes de tir sur le sanglier dans lesquelles vous interdisez de tuer certains animaux, c'est interdit. Il y a eu un procès actuellement pour montrer la complexité de ce que c'est que les mondes de la chasse, et pas un monde de la chasse, et les éthiques et les conflits internes. Il y a un procès mené contre des chasseurs en Lorraine parce que ils imposaient des consignes de tir. Ils interdisaient de tirer les petits marcassins, les femelles, dans cette éthique assez universelle de la chasse qui aujourd'hui est contraire aux réglementations du fait de l'excès de population de gibier, de sangliers, précisément. Les consignes préfectorales sont de ne plus distinguer, de tuer un maximum d'animaux sans distinction. Donc il y a une concurrence entre un code d'honneur de la chasse, et la législation, la réglementation. Exactement. Entre une perception éthique et complexe, enracinée dans des traditions anciennes et assez universelles, qui va être celle des chasseurs de la base, et puis des instances qui sont les fédérations et l'État, les préfectures, qui ont une vision gestionnaire pour lesquelles les populations de sangliers, c'est pas des individus, c'est pas des êtres qui ont une sensibilité, une subjectivité, c'est une nuisance qui est à gérer. Et ça entre en conflit. Et il y a aussi d'autres modèles, il nous reste quelques minutes pour en parler, Charles Stepanoff, le philosophe Baptiste Morisot, qui a écrit sur le pistage notamment, soit sur cette manière en fait d'entretenir un rapport qui n'est pas qu'un rapport, donc comme on l'a dit, juridique ou un rapport éthique ou un rapport moral voire affectif, mais qui est un rapport peut-être plus social, à savoir en fait une forme de communication qu'on pourrait établir avec d'autres espèces que la nôtre et qui ne passe pas forcément par la langue, et qui permet justement d'ouvrir en fait cette idée, de dépasser cette idée d'un dualisme entre nature et culture, justement par l'entretien, la culture de certaines relations. Oui, alors Baptiste Morisot, c'est un camarade qui est une source d'inspiration formidable. On a vraiment de la chance d'avoir des philosophes comme ça aujourd'hui. Et ce qu'il nous raconte, c'est effectivement tout ce qu'on peut tirer du face-à-face avec l'animal sauvage et notamment avec le prédateur. Et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre effectivement en France, vivre avec les prédateurs et se laisser impacter par l'effet cosmologique de la rencontre avec le prédateur. C'est des choses que j'ai pu vivre, moi, pas en France, mais en Sibérie, où effectivement on peut être face à des loups, on peut être face à des ours. La rencontre face à l'ours est quelque chose de évidemment mémorable qui nous marque à jamais. Et on comprend d'un point de vue anthropologique que dans les sociétés où les humains vivent au quotidien avec dans la compagnie de prédateurs, dans l'hypothèse de cette rencontre où l'homme n'est plus lui-même le super prédateur unique, mais va lui-même devenir en position de proie, à savoir face au jaguar en Amazonie, face à l'ours en Sibérie, eh bien ces sociétés développent des cosmologies dans lesquelles s'intéresser au point de vue des autres espèces est quelque chose d'important, de vital évidemment. Face à ce prédateur, vous vous demandez comment est-ce qu'il voit le monde, comment est-ce qu'il me perçoit. Est-ce que là, il est en train de me percevoir, se voir comme une proie sur laquelle il va sauter ou pas. Et donc, c'est dans ce contexte-là que naissent ces cosmologies perspectivistes dans lesquelles on décrit le monde du point de vue du jaguar. Dans son point de vue, le jaguar, les humains, ce sont des pécaris, des proies dont il peut se nourrir. Ou bien en Sibérie, pour l'ours, les humains peuvent être des proies. Donc on permute comme ça la perspective, ce qu'on appelle le perspectivisme, hein, de ce qu'a bien théorisé Eduardo Viveiros de Castro, anthropologue brésilien. On va commuter les perspectives et donc essayer de concevoir les choses, le milieu vivant, de différents points de vue, prendre le point de vue du prédateur, mais aussi des proies, qui nous perçoivent, nous, comme des jaguars ou comme des ours, du point de vue des arbres aussi, qui ont des chamans, qui ont des relations sociales entre eux, qui ont de l'hospitalité, qui peuvent être des intermédiaires vers les esprits. Donc c'est dans ces écologies-là riches que peuvent se nourrir ces cosmologies plurielles, perspectivistes. Aujourd'hui, nous manquons de relations aux prédateurs et en même temps, nous sommes face à des situations déstabilisantes, j'ai l'impression, profondément, où nous refaisons cette expérience sous un autre mode. Le Covid, c'est une sorte de prédateur. Tout d'un coup, on a été face à un prédateur complètement insoupçonné, invisible en plus, qui nous pénètre, qui modifie complètement nos façons de travailler, de nous déplacer. Nous redécouvrons dans ces situations-là notre fragilité, notre vulnérabilité de société humaine. Et ça, c'est une expérience que font les sociétés de chasseurs-cueilleurs au quotidien et qui est riche et dont on peut tirer un enseignement. Merci beaucoup, Charles Stepanov. De vous, on peut lire donc L'animal et la mort, c'est paru aux éditions La Découverte, et puis Voyager dans l'invisible, pour prolonger ce que vous venez juste d'évoquer, à savoir le chamanisme, c'est aussi disponible aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci. On s'est réunis de grand matin, après Courbettes et Besmin. On m'a dit, voilà votre cheval, une sorte de brute monumentale. Le cheval était content de me voir, s'est mis à faire le grand écart. Et j'ai dit, un petit peu déçu, il va falloir monter là-dessus. Taillot, taillot, taillot, aidez-moi à grimper là-haut. Taillot, taillot, taillot, la chasse partait au grand galop. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, que ça va vite la chasse au renard. Oh là là, oh là là, oh là là. Ce bon dieu de cheval, elle fait quelque part. Je sais pas ce qu'il a cet imbécile. Il se prend pour une automobile. J'ai beau le tenir par le cou, ça ne lui fait pas d'effet du tout. Qu'est-ce qu'il a comme reprise le frère? Mais pour freiner, va te faire dans l'air. Eh ben mon vieux, on m'y reprendra. Et ce renard qui ne s'arrête pas. Oh là là, oh là là, oh là là. V'là un grand fossé plein d'une eau vaseuse. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh oui, merci, vicomte. Elle est délicieuse. Le temps de vérifier mes vertèbres, j'allais remonter sur mon zèbre. Le vicomte me dit en partant, les sauts d'obstacles montés à l'avant. Le cheval, lui, n'attendait que ça. Et patatras, c'est pas possible, on lui a dit, quel grand prix c'était aujourd'hui. Taillot, taillot, taillot, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir. Taillot, taillot, taillot, dire que je fais ça pour mon plaisir. Oh là là, oh là là, oh là là. Oulala, que ça va vite, la chasse au renard. Oulala, oulala, oulala. J'ai sûrement un cheval qui marche au radar. Nous v'là partis dans un sous-bois. S'il y a une branche, elle sera pour moi. Il va me déguiser en statue. Dans 5 minutes, je vais être toute nue. On me crie des choses que je ne comprends pas. Vous écoutez France Culture, c'est Lily Fayolle, La chasse au renard. C'est rare d'entendre une femme parler de chasse. Eh bien, c'était cette chanson. Il est 10h54 passées et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi tout n'est-il pas vain ? V-A-I-N. Pourquoi tout n'est-il pas vanité, comme dans une phrase célèbre d'un grand texte de sagesse, le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament ? Pourquoi donc tout n'est-il pas vanité, vanité des vanités ? Nous avons l'impression que nos actions ont des fins, ont des buts, c'est-à-dire aussi ont un sens. Et puis, il y a certaines expériences où nous sommes amenés à penser le contraire et à nous demander même si cette finalité de nos actions n'est pas une illusion profonde et si derrière ce que les philosophes justement appellent une finalité, un sens de nos actions, de chacune de nos actions qui elle-même renverrait à un sens de la vie et à un sens du monde, eh bien ne cacherait pas une vanité. Derrière la finalité, n'y a-t-il pas une vanité universelle ? Et certaines expériences comme celle de la mort, comme celle de la disparition de tel être vivant, mais peut-être un jour de tous les êtres vivants, ne viendrait-il pas confirmer cette vanité par-delà toutes les finalités ? C'est le doute constant de la philosophie sur la vanité du monde, et c'est ce doute que nous inspire en effet l'expérience de la mort, comme si d'ailleurs un premier sens du mot fin, F-I-N, le terme, ce dans quoi les choses viennent se finir, aboutir, ce que certains philosophes ont appelé la finitude, l'irrémédiable limite de notre vie humaine venait abolir le sens de nos actions, comme si le premier sens du mot fin, le sens immédiat, le terme, la limite, le non-absolu qui caractérise nos vies venait menacer l'autre sens du mot fin, le but, et le but peut être absolu, adossé à un but de l'univers que nous voudrions réaliser. Oui, si nos actions ont une fin au sens d'un terme, ont-elles encore une fin au sens d'un sens? C'est une question métaphysique qui, dans l'histoire de la philosophie, a opposé des doctrines comme celle de la finalité et de la justification métaphysique à d'autres doctrines comme celle de la vanité, donnant parfois lieu au XXe siècle à ce qu'on a appelé le nihilisme, mais aussi à une autre tentative très noble, baptisée par Heidegger du nom de finitude, celle qui consiste à assumer notre finalité dans nos limites et à assumer notre finitude. Mais cette finitude ne cache-t-elle pas encore un nihilisme ? Ne cache-t-elle pas encore une vanité du monde, une vanité des vanités ? Tout peut-il en effet être vain ? Y a-t-il une illusion dans nos finalités, dans le sens de nos actions ? Cela n'est pas sûr. Peut-être que l'expérience de la vanité est au contraire une expérience qui, dans son alternance même avec notre expérience de la finalité, notre expérience du sens, nous dit bien que tout n'est pas vain, que certaines choses en effet menacent le sens de notre vie, mais que d'autres le réalisent. Et d'abord parce que la finalité lutte contre la vanité, parce que le sentiment de la vanité du monde est un danger vital, qui nous prouve bien aussi qu'il y a une finalité qui n'est pas seulement dans le maintien de la vie, mais qui est dans la construction du sens de la vie contre le risque de sa perte. Non, tout ne peut pas être vain, car la vanité est elle-même un risque contre lequel nous devons donner un sens et qui nous impose certaines fins. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à écouter ou réécouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi, du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Thaïs Elohammer qui a préparé cette émission, Manon de la Selle, Jules Barbier, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Nicolas Berger et Louise André à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, Sofiane Aktib. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite et la fin de cette semaine et maintenant la philosophie. Et demain, la philosophie face à la morale, ce sera avec Monique Cantot-Sperber. À demain sur France Culture.